Bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission estivale de Rock de Neurones. Vous êtes à l'antenne de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et aujourd'hui, l'émission est consacrée aux nouveaux groupes qui ont émergé durant la dernière année et qui ont sorti un album qui a réussi à attirer mon attention. Je rappelle que le rock progressif est présent depuis la fin des années 60 et que bon an, mal an, il y a encore près de 1000 nouveaux groupes qui embarquent dans cette sphère musicale à chaque année. C'est en moyenne 3 nouveaux groupes par jour. Et bien entendu, tous les albums ne sont pas très bons, mais il y en a une centaine à chaque année qui montrent une certaine maturité. Alors, parmi ceux de 2024, j'ai répertorié pour l'émission d'aujourd'hui 14 formations qui ont émergé. Il s'agit de Marchiev Meller de Pologne, Gaikir Republic de l'Inde, The Foundation des Pays-Bas, Vima de la Finlande, Taylor de Roumanie, Death Virtual de la Colombie, Cubo di Rubik d'Italie, Ouzediel de Pologne, Northodoxien d'Estonie, Seventh Dimension de Suède. On aura aussi une formation multinationale de Fusion Syndicate. On a aussi de la République tchèque Samanovo Zboji. Et on a Confusion Field de Finlande et on va terminer avec From Flowers to Fly des États-Unis. Alors on débute avec Marchiev Meller qui nous a proposé un premier album. Je rappelle que lui, il est guitariste de Riverside, mais pour sa carrière solo, il a un seul album qui s'intitule Zenith. Ensuite, on se dirige en Inde avec la formation Gaikir Republic avec un extrait de l'album Mend Nayan Shaham. On conclut ce premier bloc avec la formation néerlandaise The Foundation qui vient de lancer l'album Mask. Mais on débute ça avec Marchiev Meller de la Pologne. Thank you. słony. Wstanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czeka na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Ze słońcem twarzą w twarz. Przez okno patrzy znużony, z tęsknotą myślę o burzy. A słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, rozgrzewa niestrudzenie. Thank you.

into your heart. Don't you want to give in? Look into your heart. Beware of the emptiness. Look into your heart. Headstrong, the beaten track. Things seem to be alright. I didn't see the danger ahead. Always smiling, always shining my light. Even friends couldn't get a grip. So look into the mirror of your heart and take off your mask. Take off your mask. Take off your mask. Look into your heart. This is a never-ending thing. Look into your heart. Don't you want to give in? Look into your heart. Beware of the emptiness. Look into. Every day, the same routine. I had everything in my own hands. But deep in my heart there was chaos. Unimportant things were main events. Never was I that alone. Nobody could really see. So look into the mirror of your heart and take off your mask. Take off your mask. was calling, knocking at my door. I tried to ignore the message, but the overwhelming strength was too strong, just too strong. So look into the mirror of your heart and take off your mask, take off your mask. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones qui est consacrée à mes découvertes de l'année 2024. Maintenant, on se rend du côté de la Finlande avec la formation Vima qui a sorti Tornadon Simasaa, un premier album duquel j'ai extrait la pièce Kielot. Ça sera suivi du groupe Taylor qui nous vient de la Roumanie et on entendra la chanson Saploua. Ça, c'est tiré de l'album Noi Fara. Ensuite, nous nous dirigeons en Colombie qui nous offre très rarement du rock progressif. Il s'agit du groupe Death Virtual et on aura en conclusion de ce deuxième bloc un groupe italien du nom de Cubo di Rubik. Koitan vaan keksi jotain, ettei tuu tylsää. Tiedätkö, kun tuntuu joskus, ettei siis en mä tiedä ees, mistä aloittaisin nää lauseet. Kielot kasvaa mun kiduksiin ja kyselee. Muistetaankohan me tää? Sit kun kuolleet kesään on jääneet, meissä kaikki sekoittuu. Ootko Suspiros se miden en un par los gritos, conciencias y el miedo a vivir. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones qui est consacrée à mes découvertes de l'année 2024. Alors, pour ce troisième segment de l'émission d'aujourd'hui, je vous propose quatre artistes de provenances différentes. Et on débute ça avec Udesiel de Pologne. Ensuite, ce sera Nortodoxian d'Estonie. Ça sera suivi de Seventh Dimension de Suède et de Fusion Syndicate, qui, je le dis en passant, regroupe des musiciens chevronnés. Alors, ce ne sont pas des débutants, mais le groupe en tant que tel, ben, pour moi, c'est une découverte. Bien, on connaît les musiciens tels que Rick Wakeman, Jerry Goodman, Colin Edwin, Derek Sherinian et Steve Elage, entre autres, et aussi Steve Morse. Alors, ce regroupement multinational n'est pas nouveau à proprement parler, mais ce fut une découverte pour moi cette année, je le répète. Alors, on débute ça avec Udesiel de Pologne. Thank you. живем во всяком благочестии и чистоте. reality. Like fog to blur my sight and make me second guess myself. A constant presence I wish I could escape. Lingering on the brink of death. Defense has been torn down. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones consacrée à mes découvertes de 2024. Alors, pour terminer l'émission, je vous offre quatre formations très peu connues, mais très prometteuses. Il s'agit de Samanovo Zboji de République tchèque, de Vima de Finlande, qu'on a aussi entendu brièvement au premier bloc. Nous aurons aussi Confusion Field, aussi de la Finlande, et en guise de conclusion, je vous propose la formation américaine From Flowers to Flies. Mais auparavant, voici Samanovo Zboji de la République tchèque. Dnes Emme puhu niistä. Emme muista niiden nimiä. Ne rehottaa tietoisuuden reunamilla, pinnallisina koristeina, kosmisena ornamenttina. Vaikka kasvit muuttavat maailmaa jo pelkästään olemalla olemassa, eivät liiku, eivät käy toimeen, luovat nahkansa tyhjyyden aineksista, lävistävät ympäristönsä. Sattumanvaraiseen kohtaan, jotta voisi altistua ja avautua kaikelle. Olla koskaan siirtymättä, antaa maailman upota sisuksiinsa. Olla koskaan lakkaamatta rakentamasta kanavia ja avaamasta aukkoja, jotta maailma voisi pudota tänne. Viimein opettakoon meille, mitä on. Ensimmäinen toiminta, sulava just warning on the kitchen door is keeping the shadow alive. When you hear the siren go up and down, seal the windows and stay inside. 'Cause you'll never know when the day will come. Obscure and ceasing low hum of the bees, cradle on the workers to sleep. There's a promise of a better new day to come, hidden somewhere in that static noise. But you'll never know when the day will come. Behind the gates, it lies in the way. The one who never sleeps. Behind the fence, so intense, they feed it with the innocent dreams. Ducks barking in distance on the other side. To mist on the lake growing thick. Feels like there's something urgent to share, but the coming catastrophe. You'll never know when the day will come. I should be leaving with the pack while there still is time. But deep down I know that I won't. The secret they share dies with a heart, and so dies my urge to depart. But you'll never know if the day will come. Behind the mist, a long bucket list, and the one who will never sleep. Behind the lid, some new headache. I feed it with impossible. Cold feeling hanging over Ce que vous venez d'entendre, c'est la formation américaine From Flowers to Flies. Alors, ça termine cette émission spéciale estivale de Rock de Neurones qui, je le rappelle, a été consacrée aux découvertes que j'ai faites durant la dernière année. Il existe, bien entendu, beaucoup d'autres artistes qui auraient pu être diffusés aujourd'hui, mais ce n'est pas exclu qu'il y aura peut-être une autre émission estivale d'ici septembre. Alors, j'espère que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui qui a été consacrée à mes découvertes de 2024. Et mon nom est Jimmy Farley et je vous invite à nous revenir en septembre pour le début de la 12e saison.